J'essaye de lancer un truc. De remix. C'est Captain! C'est le roi! ズカプチャン Stay here。Vas-y Théo. Ok. Tu veux la drum ou non? Laisse les drums, d'accord. Ok. En combien de mesures? ici avec un autre rythme. Thank you. Ouais. Qu'est-ce que tu veux comme œuvre? Thank you. Yes. J'avais pas trouvé. Qu'est-ce que vous voulez que... Attends, il y a un peu de tout là-dedans. Enfin, country, blues, twist, world beat. sonore qu'ils font par contre. Décalage. Mm-hmm.